j'espère que l'amour est toujours la plus grande richesse de la terre. Oui, moi j'espère que la vie nous conduit chaque jour vers un monde meilleur. Oui, moi j'espère qu'un enfant chaque instant voit le jour sans craindre la misère, qu'il reçoit la lumière qui éclaire ce qui fait vivre en nous ce besoin de chercher le bonheur. Comment vivre sans espérance? Comment vivre, comment vivre, comment vivre sans espérance? Oui, moi j'espère que le bateau du monde a fini d'essuyer les tempêtes. Les erreurs du passé. Oui, moi j'espère que les larmes versées ne seront que des larmes de fête, et que de ville en ville, bien tranquille, la vie s'écoulera doucement dans la joie de l'été. Comment vivre sans espérance? Comment vivre, comment vivre, comment vivre sans espérance? Oui, moi j'espère qu'un soleil d'amitié demain fera tomber les frontières du plus profond de moi. Que le cœur ne vit pas sans aimer chaque jour. Oui, moi j'espère que la seule richesse du monde, c'est l'amour. Moi j'espère.